toi, Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de tout nom. Tu nous dis dans ta parole que tu nous as donné le nom de Jésus, élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi nous élevons le nom de Jésus. Bénis ce moment, bénis nos cœurs. Nous nous tournons vers toi pour recevoir la vie, pour recevoir la parole. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la solution que Dieu a pour toutes les situations. Quel que soit le problème de quelqu'un dans la vie, ce que Dieu lui donne, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Tu es malade, tu as besoin de la guérison. C'est ta parole. C'est la parole de Dieu. Tu as besoin d'argent. L'argent se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un aime la parole, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. En elle était la vie. C'est ça la parole. Donc, réalisez dans votre vie. Ne vivez pas sans la parole. Vivons avec la parole. Ce matin, je priais, je méditais sur un truc. Je priais d'ailleurs, c'est pas que je méditais. Alors, il y a Daniel 9:23, ce verset m'est venu. Quand Daniel a commencé à prier, on peut nous mettre ce verset, la technique. Tu es en train d'introduire. Quand Daniel s'est mis en prière, alors, il confessait le péché. Il confessait le péché d'Israël. Alors, la Bible dit, Daniel 9:23, le temps que la technique soit avec nous. Lorsque tu as commencé à prier, la Bible est claire. La parole est sortie. C'est tout ce que Dieu a envoyé. L'ange ne dit pas que j'ai vu Dieu, il m'a envoyé. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour l'annoncer, te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu commences à prier, quand tu as des problèmes dans la vie, ce que Dieu fait, il prend la parole qui est la solution au problème que tu as. La parole sort. Elle sort d'où? Elle sort de la bouche de l'Éternel. Elle sort de l'Éternel. L'ange reçoit la parole et il vient te donner la parole. Et quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, en fait, il reçoit la solution à son problème. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons enseigner la parole. Mais quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, C'est vrai, la tempête peut venir. On le verra, il n'y a pas de vie sans tempête. Et il n'y a pas de tempête sans solution. Et ce que Dieu donne comme solution, c'est sa parole. Daniel chapitre 11 verset 32. Nous rentrons dans notre, nous sommes toujours dans notre texte. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Nous avons dit le dimanche qu'il y avait quatre concepts très importants. La séduction par des flatteries. La connaissance de Dieu. Ufahamu wa Mungu. La foi ferme. Iyo tena imani ya kutunga. Et les actions à faire dans la vie. Na matendo yenye tunaweza kufanya ndani ya maisha. Les quatre choses vont de pair. Alafu hivi vitu ine vinaenda sawa sawa. Elles vont ensemble. Vinakuwa naenda pamoja. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu comprends ces choses, tu marches différemment dans la vie. Nous avons commencé à parler de la séduction. Et c'est comme ça que nous avons dit, nous allons parler de différents types d'esprits séducteurs. Nous avons dit, c'est quoi la séduction? C'est présenter quelque chose qui ressemble au vrai, mais qui n'est pas vrai. Ça paraît vrai. Ça donne envie de la voir. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Et c'est un piège de l'ennemi dans la vie. Et c'est pourquoi Dieu nous donne sa parole pour faire attention dans la vie. Beaucoup de gens ont quitté le cap de leur destinée parce qu'ils ont été séduits par l'ennemi. C'est pourquoi on nous dit dans ce verset, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ils ont quitté l'alliance et ont été séduits par l'esprit. Mais ceux qui connaissent leur Dieu sont restés fermes dans leur foi, dans leur marche. Nous avons dit, nous allons parler notre sous-thème, c'est vaincre les esprits de séduction par la connaissance de Dieu, la foi et les œuvres. Si l'on parle de vaincre, tukisungumuzia kushinda, c'est qu'il y a un combat à mener. Kunasema kuna kuwa mapambano yenye tunapasha kufanya. Il y a un combat à mener. Kuna vita fulani ya kufanya. Alors première vérité. Alafu kweli ya kwanza. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Pepo yote aina ya Mungu. Amène à la séduction. Inakuwa natuma mutongozaji. Alléluia. Amina. Tout esprit sur la terre. Roho yote kwenye ulimwengu. Qui n'est pas de Dieu. Yenye ahiko ya Mungu. Amène à la séduction. Iyo inakuwa natuma kutongozaji. Deuxième vérité. Kweli ya pili. Toute séduction utongozaji wote est vaincue par un combat engagé. Imekuwa nashinda kupitia mapambano fulani. Sur base de la connaissance de Dieu. Kupitia ufahamu wa Mungu. De la foi. Kwa imani. Et des œuvres chrétiennes. Na kumatendo ya Kikristo. Troisième vérité, il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Et il n'y a pas de couronne sans combat. Beaucoup de gens veulent être couronnés. Watu wengi wametarajia kukofiliwa. Il n'y a pas de couronne. Au hakuna tena hiyo kofia. Sans combat. Bila ugomvi. Même au ciel. Hata mbinguni. Si nous souffrons avec lui. Tukitesa pamoja naye. Nous régnerons. Tutadumu avec lui. Pamoja naye. Alléluia. Amen. Alors, il y a plusieurs types d'esprits de séduction. Kuna aina nyingi ya mapepo ya tongozaji. Je vais en citer quelques-uns. J'espère que cette semaine, je vais parler de ces quatre types. Nafikiria hii wiki tasumuzia na hiyo aina nne. Et nous continuerons, Dieu aidant, les autres jours. Na tutaendelea na mengine masiku ijayo. Il y a plusieurs types d'esprits de séduction. Kuna mapepo nyingi ya tongozaji. Premier esprit de séduction. Mapepo ya kwanja tongozaji. Le culte de sa personne. Ibada ya umutu wako. Le culte de sa personne. Ibada ya umutu wako. Deuxième type. Aina ya pili. La quête de la richesse. Basi kutafuta utajiri. La quête, ce n'est pas tellement kutafuta. Iyo haiko tu tamko yenye nelekea pana fazi. Ça ressemble à kutafuta, mais c'est compagnie ça, pas qualifié. Donc, j'ai bien dit la quête de la richesse. Kukombanisha kupata utajiri. Troisième, ya tatu, la quête du bonheur et de la gloire. Ayo tena fazili na utukufu. Quatrième type, na aina ya hine, la quête de la grandeur dans la vie. Kukombanisha kukua kupata ukubwa mu maisha. OK, nous allons revenir sur toutes ces choses. Tutarudia mambo yote haya. Alors, je voulais introduire sur le premier type parce que c'est un enseignement. J'espère que je vais parler du premier et du deuxième aujourd'hui. Tutasumuzia aina ya kwanza na ya pili. Le culte de la personne. Ibada ya umutu wako. Ici, il faut comprendre le culte de la personne comme un dommage. Apa inapasha kuelewa umutu wote kama inakuwa tu kwa bure. Un hommage. Inakuwa kama tu kuomboleza. Un hommage. Un hommage, un honneur. Inakuwa kama heshima kuheshimisha. Voilà, c'est ça l'hommage. Inakuwa ile. Un hommage, un honneur. Iyo kuheshimisha. Qu'on rend. Yenye tunakuwa na fan. En fait, culte signifie hommage. Ibada inakuwa culte signifie honneur. Ibada inakuwa tu heshima. Alors, on peut faire le culte à Dieu. Alafu naweza fanya ibada kwa Mungu. Aux hommes. Pia kwa watu. Aux choses. Na tena ku vitu. À d'autres dieux. Na ku miungu mengine. Maintenant, ici le culte de sa personne. Alafu hapa tena ibada ya mtu. C'est l'hommage, l'honneur. Heshima. On se le fait soi-même. Unakuwa najirudishia mwenyewe. Où ça se dirige vers un homme. Ile inakuwa tena inaelekea kwa mtu fulani. Là, pale, c'est un esprit de séduction. Inakuwa ni pepo ya tongozaji. Et comme je l'ai dit le dimanche, na vile nilisema mjuma, quand on parle de la séduction, wakati unasungumuzia utongozaji, en fait, c'est un esprit qui vient de façon subtile. Iyo inakuwa ni pepo inakuwa tumbuka la mushi. Tu ne te rends pas compte. Mais tu te retrouves que tu es dans la chose. Et ces choses concernent la fin des temps. Il y a des choses qu'on nous présente à la télévision. Il y a des choses qu'on vote comme des lois dans le monde. Vous ne réalisez pas ces choses. Ça paraît comme bénin. Mais vous vous retrouvez que cette chose est catastrophique. Il vient de façon subtile. Inakuwa muali ya ukalamusi. Pour toucher. Kwa ajili ya kugusa maisha. Il donne les apparences. Inaleta ma uso fulani. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Lakini kweli ya mambo aina ile. OK, Philippiens chapitre 14. Kwa Filipo. Philippiens chapitre 4 verset 13. Sura ya ine verse ya 13. Comment il va arriver dans nos vies? Je inaweza kufika maishani mwetu. Il vient, Philippiens chapitre 4, verset 13. Lupusura 1, verset 13. Philippiens. À Philippe. Ok, Ephésiens, Philippiens, on l'a mis, oui. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ici, la séduction, c'est quoi? Moi, je peux faire les choses. Comme je le disais le dimanche, Dieu n'est pas dans l'équation de la chose. On exalte l'homme. On donne des principes. Et ces principes qui sont vrais. Des principes vrais. Si vous les appliquez, ça donne des résultats. Vous savez, nous sommes dans le monde maintenant où de l'intelligence artificielle. À un moment donné, il faut parler de ces choses à l'église. L'intelligence artificielle. L'intelligence divine. L'intelligence traditionnelle. L'intelligence humaine. En fait, ce sont des débats. Vous ne voyez pas la chose venir. Mais vous avez tellement de principes, vous réalisez que non, l'homme peut tout faire lui-même. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5, et après vous allez mettre Colossiens chapitre 2, 20 à 22. 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Ok, je lis en français, on gagne le temps. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, verset suivant, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, verset suivant, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, verset 5, écoutez, ayant l'apparence, de la piété. Ils ont l'apparence. Voilà la séduction. On te donne l'apparence de quelque chose. Mais tu aimes quelque chose qui paraît beau. À cause des apparences. Mais quand tu entres dans la chose, tu trouves que ce n'est pas ça. On te présente une très jolie maison. Tu passes devant la barrière. La maison est très belle. On donne le prix. Tu te bats pour y entrer. Mais quand tu entres dans la maison, tu te dis non, c'était seulement l'apparence. Ça, c'est la séduction. Et beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Ils se contentent des apparences. Même dans une église, même dans les relations humaines, l'apparence de la piété. Paul dit à Timothée, éloigne-toi. Vous savez, l'épître ici de Timothée, c'est après qu'on a dit deuxième épître de Paul à Timothée. Au début, en fait, l'épître n'avait pas de nom. C'était presque le dernier serment ou testament de Paul à son fils. Paul, il écrit, il est en prison, il écrit à son fils Timothée. certaines choses fondamentales. Mambo fulani ya msingi. Il dit non, je sens que ma fin approche. Akasema, voici comment tu vas faire. Tazama namna kani utafanya. C'est pourquoi il dit non, éloigne-toi de ces hommes qui auront l'apparence de la Timothée. À un moment donné, en théologie, on nommait même cet épître la dernière volonté de Paul. Il dit éloigne-toi de ces hommes qui ont l'apparence de la piété. Oh bien-aimé, plusieurs personnes donne des apparences de quelque chose qu'elles ne sont pas. Il y a même plusieurs principes qui sauvent l'extérieur mais qui enlèvent l'essentiel de la substance intérieure. J'ai dit, mettez un peu Colossiens chapitre 2, verset 20. Colossiens chapitre 2, verset 20. Colossiens. Viens après Philippiens, oui. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde. Au rudiment du monde, je lis en français. Au rudiment, ça dit aux choses élémentaires de ce monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Donc il y a des préceptes, des principes. Quels sont ces principes? Verset suivant. Ne prends pas, ne goûte pas, donc ne mange pas, ne touche pas. Verset suivant. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc, ces derniers temps dans l'église, dans le monde, on fait vraiment le culte de la personne. On fait des choses qui exaltent l'homme, qui exaltent la personne. Mais on oublie de mettre Dieu à la place qu'il faut. On devient plus religieux que chrétien. Quand on est chrétien, c'est une relation avec Dieu. Mais quand on est religieux, c'est des pratiques, c'est des préceptes. Je ne suis pas contre porter les foulards ou les pailles. Mais quand ça devient des principes, des doctrines, quelque part ça donne des apparences. Ça exalte seulement la chair. Mais à un moment donné, l'esprit de Dieu n'est pas là. L'homme a tendance à faire des choses par lui-même. L'évangile, c'est la vie, mes frères. Vivons l'évangile. Vivons l'évangile. De moins en moins, nous commençons à impacter les autres. De moins en moins, l'église commence à impacter les autres. Parce qu'on ne vit pas l'évangile. Et le monde, par la séduction, est entré tout doucement dans nos vies. Nous prenons parfois même les principes de ce monde. Nous les appliquons dans nos vies, dans l'église, dans nos maisons. Et vous allez voir que quelqu'un, il est fort. Non, non. C'est des principes seulement. Mais la substance réelle, Jésus, n'est pas là. Mais quand quelqu'un est en relation avec Christ, quand quelqu'un est en relation avec Christ, il a une autre vie. Alléluia. Amen. Dieu doit être dans l'équation de ta vie. Je reprends encore. Dieu doit être dans l'équation de ta vie. Si dans ce que tu fais, Dieu n'est pas là, Bien-aimé, pose-toi des questions. Mpendwa ujiulize. Même quand tu as la victoire, hata wakati unaoshindi, si Dieu n'est pas dans l'équation, kama Mungu asina mwiyo tatizo, pose-toi la question. Unaweza tu kujiuliza. Deutéronome chapitre 8, Kumbukumbu sura ya 8, verset 7 à 14, et on prendra le verset 17. Verset 7 mpaka 14. Deutéronome chapitre 8, Kumbukumbu sura ya 8, verset 7 à 14. La Bible dit, c'est merveilleux ce texte. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Dieu va t'introduire dans un bon pays. Et je prie que Dieu nous introduise chacun dans le bon pays. C'est ça la vie chrétienne. Non, c'est que j'entre dans mon Cana. Que j'entre dans mon beau pays. La Bible dit qu'un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Dieu va te faire entrer dans ce pays. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Pays d'olivier et de miel. Voilà, Dieu décrit le beau pays. Ici, c'est Moïse qui est en train de reprendre, de réexpliquer la loi aux enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte. Les anciens qui ont vu la gloire de Dieu sont partis, sont morts. Les jeunes gens qui sont venus n'ont pas vu certaines choses que les anciens ont vu. C'est des générations. La vie, c'est une vie des générations. Il y en a peut-être qui n'ont pas vu certaines choses. Ce n'est pas leur faute. Mais qui viennent en ce moment-là. Qui oublient le passé. Mais alors que c'est important de ne pas oublier le passé. Alors Dieu dit à Moïse de reprendre certaines choses. On continue avec le verset. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Oh, c'est merveilleux. Je parle des minéraux, du fer, les reins, le cuivre, le bronze. Voilà, Dieu parle de ces choses. Verset suivant. Le verset suivant. Écoutez, suivez-moi maintenant bien. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Quand tu réussis dans la vie, bien, mais ces choses, on doit les dire à l'église. Quand tu réussis, tu manges, tu vis bien, tu ne manques de rien. Dieu dit à Moïse, dis au peuple, tu béniras, laissez-moi les textes là-bas, tu béniras l'Éternel ton Dieu. C'est vrai que tu ne manques de rien. Tu manges. Tu as tout ce qu'il te faut dans la vie. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset suivant. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset suivant. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, écoutez, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Ce sont des choses que nous vivons. Verset suivant. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Écoutez le verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Mettez-moi le verset 17. Et je vais expliquer. Garde-toi de dire en ton cœur. Oh, ça j'aime. Ma force. Et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous savez, quand vous méditez certaines choses, vous restez d'abord calme. Dieu dit à Moïse, dis aux gens, vous allez bâtir des maisons. La richesse va augmenter. Vous aurez de l'argent. Mais ce que j'ai dit, c'est une prière pour moi, pour toi. Je le confesse pour l'église sous ce compte. Nous bâtirons des maisons. Nous aurons des richesses. Lors, l'argent, ça viendra. Tu ne manqueras de rien. Mais ne dis pas en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces choses. N'oublie pas l'Éternel. La séduction, c'est le fait que quand j'ai ces choses, j'oublie l'Éternel. Alors qu'au début, j'étais dans l'alliance. Vous savez, il y a beaucoup de gens, le zèle qu'ils avaient au début de Dieu, quand ils n'avaient pas de travail, quand ils n'étaient pas mariés, quand ils n'avaient pas d'argent, il est différent de zèle qu'il a quand il est marié, quand il a l'argent. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi va te faire oublier certaines choses. Non, c'est ta force. C'est ta force qui t'a donné ces choses. C'est ton intelligence qui t'a donné ces choses. J'ai remarqué dans la vie, certaines personnes suffisamment très intelligentes ont des problèmes dans la vie. Parfois, les gens qui dirigent le monde ne sont pas aussi très intelligents que d'autres. Pourquoi? Parce que les personnes très intelligentes ont des problèmes. Ils pensent que c'est mon intelligence qui a fait que j'obtienne le diplôme. Il enlève Dieu dans l'équation. Après, il n'a pas le travail. Après, la vie devient difficile. Elle est très jolie, mais n'a pas de mariage. Elle a enlevé Dieu dans l'équation. Elle parle très bien. Elle chante très bien. Mais elle ne prospère pas. Non, parfois nous pensons que c'est ce que je suis qui doit me donner. Oh bien-aimé. Oh, quand nous marchons avec Dieu, remettons Dieu dans l'équation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remettons Dieu dans l'équation. Parfois, on, vous savez, unajua, la séduction, elle est tellement subtile utongozaji na kuwa ukalamusi zaidi, que pour que tu t'en rendes compte, il faut certaines choses que nous allons voir. Lakini na kuwa jili upate kufumbwe na mpasha mambo fulani masha. Parfois, vous allez voir quelqu'un, il prie beaucoup. Wakati mtu anaomba sana. Il se vante comme mina ombaka sana. Et qu'on asema, moi je prie beaucoup. Mais on voit que le résultat est minime. Lakini muna ona matokeo na kwa kidogo zaidi. Vous vous demandez, et puis vous dites, mina ombaka sana. Moi je prie tellement. D'ailleurs, souvent, quand quelqu'un me dit, mina ombaka sana, je lui demande toujours, comba sana, ça signifie quoi? Je lui demande, prier beaucoup, c'est-à-dire quoi? Oh bien aimé, c'est important. Ni amuimu. De comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a un esprit de séduction qu'il faut combattre, qu'il faut vaincre. En fait, le culte de la personne, l'esprit fait qu'il détourne ton attention sur Dieu. Il met toute l'attention sur toi-même. Tu deviens le centre de la terre. Quand j'ai réussi, c'est moi. Quand ça marche, c'est moi. Et c'est vrai. Tu en as les capacités. Mais Dieu n'est pas dans l'équation. Dieu n'est pas dans l'équation. C'est important de comprendre ces choses. C'est là l'importance de la reconnaissance envers Dieu. Ce qu'on appelle action de grâce. Mais c'est important dans la vie. Donne-toi une discipline. À chaque culte de dimanche est le temps pour ce que Dieu a fait pour toi de faire une action de grâce. Comme pour dire, ce n'est pas ma force. Seigneur, c'est toi. Alléluia. Amen. Les gens pensent qu'il faut faire action de grâce. Souvent, je vois, Arizala, il a mis au monde. Arepuka mon accident. Elle vient de quitter dans l'accident. C'est bien. Ni mzuri. C'est des faits particuliers. Inakuwa ni matokeo ya pekee. Mais toute la semaine. Lakini wiki mzima. Bien-aimé. Mpendwa. Quand on est reconnaissant vers Dieu. Wakati unakomtambulifu kwa Mungu. En fait, on se dit seulement que non, dans tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je ne suis pas le centre. Sina mwenye anakuwa kumsingi. D'impulsion. Ya hiyo kazi. Le centre msingi, reste Dieu. Et pour ça, na kwa iyo, je suis reconnaissant vers Dieu. Alléluia. Amen. Plus tu deviens reconnaissant, vile ukawa tena mtambulifu zaidi, plus Dieu fera des choses. Vile Mungu tafanya vitu. L'église, kanisa, nous ne devons pas vivre comme d'habitude, comme tout le monde. Kuishi kama watu wote kama zoezi. Prière. Maombi. Repentance, kitubio, louange, masifa, adoration. Maabudu, ouais, le modérateur, à un moment donné, wakati mwa fulani waongozaji, on peut mettre même l'IA pour faire cette chose-là. Naweza tena kutosha hiyo bitu fulani. Nous devons vivre avec Dieu. Tunapasha kuishi na Mungu. Nous avons loué. Tulisifu. Pourquoi ne pas exprimer notre reconnaissance envers Dieu? Kwa nini haiombe tu kuwa mtambulifu kwa Mungu? Ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez, j'aime une histoire dans le livre de Luc. 10 lépreux. Ils viennent écrire, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous présenter sur les sacrificateurs. Pourquoi sur les sacrificateurs? Parce que c'était le sacrificateur qui déclarait que les gens étaient lépreux. C'est le même principe. La Bible me dit dans Apocalypse, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Généralement, ceux qui te font du mal, Dieu permettra toujours, un jour, quand il t'aura visité, que tu sois en leur présence. Pas pour se glorifier, mais pour que eux donnent gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ils dressent une table en face de nos ennemis. Ce n'est pas pour les plus grands, pour que ces gens disent non, Dieu a raison. Nous devons quitter de l'autre côté de la table et venir de ce côté. C'est comme ça que Jésus leur a dit, allez vous présenter sur les sacrificateurs. Les mêmes qui vous ont déclaré impurs, qu'ils voient que Dieu est capable de déclarer pur celui que l'homme a déclaré impur. Dieu est capable de guérir ce que les hommes ont vu que c'était grave. Alors ils partaient en chemin. Ils se sont rendus compte que tous étaient guéris. Alors 1 sur 10, il dit non, moi je rebrousse chemin. Je ne continue pas, je suis guéri. Je rentre pour donner gloire à Dieu. Maintenant Jésus, il pose la question, où sont les neuf? Où sont les neuf? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais où sont les 9 pour que ce Samaritain? Ce n'est pas par hasard que Jésus cite ceci. Les autres ont supposé que c'était leur droit d'être guéris. Mais comme les Samaritains étaient généralement marginalisés, pour lui c'est une grâce. Je crois que c'est dans Luc chapitre 17. Pour lui c'est une grâce de recevoir ce qu'il a reçu de Dieu. Frères et sœurs, nous, ce n'est pas un mérite. C'est une grâce que nous recevons de Dieu. C'est pourquoi à chaque instant, si je me souviens, je dois être reconnaissant envers Dieu. Pour mes enfants, je suis reconnaissant envers Dieu. J'ai une sœur, jusqu'aujourd'hui elle n'a pas d'enfant. Elle est très jolie. Elle est bronzée. Elle travaille. Elle gère les gens. Quand on me dit désiré, je prie, je l'encourage. Mais quand je vois mes enfants, c'est une grâce d'avoir des enfants. Bien-aimé, ça permet que à chaque moment tu ne te laisses pas emporter par la séduction, par le culte de la personne. Que ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma puissance qui me donne ces choses. Frères et sœurs, ce n'est pas ta force qui t'a donné des maisons, des véhicules, un mariage. Non, il y a des gens beaucoup plus forts. Il y a des gens beaucoup plus beaux. Il y a des gens beaucoup plus puissants. Mais qui n'ont pas ces choses. Nous, c'est l'Éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, cet esprit généralement dévie les gens de l'Alliance. Au point où la personne commence à dire non, moi, c'est moi. Petit à petit, sans s'en rendre compte, le zèle diminue. Non, je ne vais pas venir. Non. C'est des façons subtiles, petit à petit. Et on se retrouve qu'on est en dehors de l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième esprit. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Ok. Dio. Ah, je voulais donner un détail sur cet esprit, sur le culte de la personne. Genèse chapitre 11, verset 1. Je vais donner rapidement ça. J'explique, c'est la tour de Babel. Mettez seulement Genèse 11, verset 4. Verset 4, et puis on va mettre le verset 9. Je vais expliquer pour passer au deuxième esprit. Genèse chapitre 11, verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. C'est-à-dire que ces gens-là, ils étaient très intelligents. eux-mêmes étaient intelligents. Ils ont bâti la ville. Ils ont fait une tour. Une tour. Et le sommet touchait le ciel. Écoutez, faisons-nous un nom. Un nom. Donc ton nom n'est plus n'importe quel nom. Donc c'est eux-mêmes, c'est eux. Faisons-nous un nom. Ils ont fait ça. Ils ont fabriqué les briques. Ils ont fabriqué le ciment. Ils savaient déjà que pour faire les tours, il faut des briques, il faut des ciment. Quelle intelligence. Ils ont bâti. C'était eux. Dans tout ça, Dieu n'est pas là. Maintenant, écoutez le verset 9. Mettez-moi le verset 9. Non, mettez le verset 8. 7. Je voulais expliquer. Alors, Dieu dit, allons descendons. Confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset suivant. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup de principes. Le potentiel était là. L'intelligence était là. La force était là. Le travail était là. Ils se sont réunis ensemble. Même quand on s'est réunis, en fait, se réunir, ça peut être dans le mariage, dans le business, dans les affaires. Ils se sont mis ensemble pour bâtir quelque chose. Et la chose a commencé à prospérer. Mais comme Dieu n'était pas là, comme dans leur équation, Dieu n'était pas là. Dieu les a dispersés. Donc le résultat de quelque chose qu'on bâtit sans Dieu, ça finit par s'écrouler. Ça va s'écrouler. Si on bâtit sans Dieu, il y aura la confusion. L'unité sera brisée. Il y a des mariages où l'unité est brisée. Il y a des églises où l'unité est brisée. Il y a des business, des associations où c'est brisé. Parce que Dieu n'est pas là. Frères et sœurs, j'allais dire quelque chose. Bon, je l'ai dit quand même. Pour nous les Congolais, nous avons trop d'associations socioculturelles. Et beaucoup de gens aiment ces choses. Nous. Quand Dieu n'est pas dans l'équation, l'unité se brise toujours. Vous allez apprendre, il y a toujours un groupe qui soutient celui-là, qui soutient celui-là. L'unité se brisera toujours. Parce que Dieu n'est pas dans l'équation. C'est le principe de la tour de Babel. On ne peut pas bâtir indéfiniment et aller très loin si Dieu n'est pas dans l'équation. Frères et sœurs, tu veux monter, tu veux que la tour soit là. Le problème n'était pas que la tour arrive au ciel. Le problème c'était qu'il voulait le faire sans Dieu. Ne fais pas sans Dieu. Dieu est venu. Mungu akaja. C'est qu'ils ne l'ont pas appelé. Nikusema wakumuita. Dieu a dit allons. Ils n'ont pas appelé. Mais s'ils avaient dit Dieu viens. Oh bien aimé. Dieu n'allait pas les disperser. Il allait les soutenir encore. Il voulait se faire un nom sans Dieu. Beaucoup de gens veulent se faire un nom sans Dieu. Après 10 ans, après 20 ans, demandez à leurs enfants le nom est où? Pourquoi Dieu n'est pas dans l'équation? Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, Israël, tient le coup. Pourquoi Dieu reste dans l'équation? Remets Dieu dans l'équation de ta vie. Tu resteras dans l'alliance, quelle que soit la tempête. Nous devons combattre l'esprit de la tour de Babel. Deuxième esprit de séduction. Ici, je vais aller vite. La quête de la richesse. La quête de la richesse. Quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 6. Verset 8 à 9. Je vais aller rapidement. 1 Timothée chapitre 6, verset 8 à 9. Parfois, il faut s'asseoir avec la parole de Dieu pour méditer la parole de Dieu. Oui, 1 Timothée 6, 8 à 9. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Verset 8. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Wana anguka muvipimo. C'est ça? Majaribu. Tombe dans la tentation. Wame anguka ndani ya majaribu. Dans le piège. Ndani ya mitego. Ah! C'est comme fort. L'Esprit Saint dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Benda kujitajirisha me anguka ndani ya mitego. Et dans beaucoup de désirs insensés ndani ya mania ya sipo na akili et pernicieux na yenye nakuwa tena na kupotesha, très bien, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, yenye inaingisha watu ndani ya kuharibikwa na upotofu. La quête de la richesse, basi kukombanisha utajiri, est un piège, inakuwa ni mtego. Vous connaissez le piège. J'ai demandé, est-ce qu'on peut me mettre la photo de piège Ara? C'est, tu as pu trouver? On peut me mettre. Vous voyez le piège? Ils ont mis là-dedans. Voilà. Ils tombent. Eux ne voient pas que là, il y a les... Non, non. Ils veulent avoir à tout prix. Et là, ils sont dedans. Vous voyez, on a mis là-bas, dedans. Et on jette à manger. Quand ils viennent, ils sont dedans. Beaucoup de gens, ils voient la richesse. Il y va à tout prix. Quand il l'obtient, il est dedans. Le désir devient pernicieux et insensé. Résultat, c'est la ruine. La ruine, c'est la mort. Résultat, c'est la perdition. Je vais ouvrir une parenthèse, quelques parenthèses. Parce que je me suis dit qu'il faut que je puisse aller vite. J'ai ouvert quelques parenthèses. Parfois, dans le business, on veut être riche, avoir l'argent comme tel. Vous n'avez jamais vu ça? Ok, moi je suis fils d'un commerçant. Donc mon père était acquéreur. Nous vivions là à Kolwezi dans les magasins. Là. Beaucoup de commerçants dans le business. Frère, si tu n'as pas Dieu, beaucoup de gens, vous ne savez pas comment il fait pour que les marchandises viennent toujours. Lui, ça vient toujours. Ça augmente toujours. Les véhicules viennent toujours. Les enfants sont rayonnants. Tout le monde court pour être comme tel. Et à cause de ça, il y a même des gens, à cause de la richesse, qui touchent même au fétiche. Moi, j'ai vu. Il y en a qui ont tellement travaillé. J'ai vu des gens avoir des crises cardiaques. À cause de la quête de la richesse. J'ai vu des gens, on était sur le campus. Ils ont vendu des maisons pour avoir l'argent et jouer au bindo. Je ne sais pas si ici au Katanga il y en avait. Il y avait. Il tu mets l'argent aujourd'hui. Trois jours après, tu as le double. Frère, est-ce que ça ne va pas te tenter? Trois jours après. Donc, si tu mets $100, lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, tu vas, on te donne 300. Ah. Tu mets 300. Après trois jours, tu as 900. On venait de croire au Seigneur. Je suis étudiant en premier graduat. Nous prions sous l'Ivoulou à la Trinité. Et on nous dit à l'église, frère, faites attention. Comme toujours, frère, à l'église, c'est ça le principe. On dit, c'était le pasteur Gary. Il quoi le pasteur Gary? Quand on sort, dit ah. Nous nous cotisons. L'église ne connaît pas. Nous mettons. Tu na weka. Celui qui n'a pas ton nom va emprunter. Wendo ka Congolais. On met. Tu na weka. Je le dis à notre propre honte. Na sema ku aya yetu yote. On met. Tu na weka. Trois jours après, tatu on a le double. Tuna kuwa na mbili ya et comme c'est vraiment la séduction, na vile na zaji, on dit non, tunasema apana, qu'on ne mange pas. Tusikule hiyo feza. Mettons encore. Tuweke tena. Quand on a mis, vile tuliweka. Ça s'est coincé. Maintenant, il fallait payer les dettes. Ala filipasha kulipa madeni. Et puis tu as la dette du bailleur. Non, na kuwa na deni ya mwenye nyumba. Kololo pang. Mwenye nyumba. D'abord, tu dois payer le loyer. Unapasha kulipa nyumba. Et puis tu as sa dette. Unakuwa pia na deni yake. Mais il y a des gens qui se sont suicidés. Kuna watu walijitundika. Les gens qui ont eu des problèmes de tension. Kwa tuma hiyo tatizo ya tension. Les gens ont perdu des maisons. Watu walipoteza manyumba. Il y a des commerçants qui ont perdu leur maison. Kuna wafanya biashara walipoteza. Il y en a aujourd'hui qui ont des problèmes de tension. Wengine leo wanakuwa na hiyo tatizo ya ugonjwa. Pourquoi? Kwa nini? La quête de la richesse. Hiyo tena kukombanisha tajiri. J'ai dit le dimanche. Mjuma, chacun doit rester dans son couloir. Dans la vie. Mumaisha, que chacun reste dans ton couloir. Mjia yake, tu vends les habits. Unaona, tu vends ceci. Wanafanya, en son temps. Ecclésiaste chapitre 3. Wa Ecclésiaste sura ya 3. Verset 11. Mettez un peu Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. C'est ça, c'est le verset 11, si je ne me trompe pas. Mettez un peu ça. C'est ça. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Kila kitu kema ku wakati yake. Il fait ces choses bonnes en son temps. Anafanya kila kitu kizuri ku wakati yake. Dimanche, j'ai donné l'image ici, je ne sais pas si la technique a ça. Si Dieu est comme un fond de mitambo. Quand les gens font cette course-là, wakati watu wanafanya hiyo tena makimbizo. Oh, frères et sœurs. Duku na dada. Chacun était censé courir kila dans son couloir. Ndani ya njia quand tu vas dans le couloir de l'autre, ukienda munjia ya mwingine, tu perds. Unapoteza. Enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, la quête de la richesse, kukombanisha kupata utajiri, bien-aimé, conduit à la mort, inaongoza kukifo. La quête de la richesse, kukombanisha kupata utajiri, a brisé les amitiés, ilivunja hata marafiki. La quête de la richesse, kukombanisha kupata utajiri, a brisé les mariages, ilivunja hata mandoa. Ils doivent courir chacun dans son couloir. Wanapasha kimbia kila mmoja munjia yake. Mettez un peu au début. Mweke mwanzo. Mais au début. Rudisha mwanzo. Donc vous voyez chacun dans son couloir. Kila mmoja munjia yake. Celui-ci n'est pas. Ne dépasse pas l'autre. Huyu mwingine asipite mwingine. Il est seulement devant. Eko tu ni mbele. Mais ne dépasse pas. Lakini asiwapite. Celui-là, Uyu, chacun court dans son couloir. Kila mmoja anakimbia munjia yake. Et chacun fera les 400 mètres. Na kila mmoja atafanya mia ya urefu. Qui sont prévus pour être faits. Yenye inaelekewa kufanya. Mais c'est très important dans la vie. Ni ya muhimu maisha wapendwa. Vous savez parfois. Unajua mara nyingine. J'aime les gens de la chorale. Napenda wana kwaya. Il y a alto, kuna il y a sop, il y a quoi? Tenor, il y a basse. Kuna kuwa basse. Chacun respecte son kila couloir. Mmoja anaheshimia njia et la combinaison na kuchanga yote ile fait que nous écoutons une bonne chanson et nous louons. Tunasikia nyimbo mzuri na tunasifu Bwana. La quête de la richesse kukombanisha kupata utajiri brise les amitiés, inavunja marafiki, brise les relations, inavunja mahusiano, brise même des mariages, inavunja hata mandoa. Dieu vous donnera en son temps. Mungu atamipatia kwa wakati yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu donne en son temps. Wapendwa Mungu analeta kwa wakati yake. Je parlais aux enfants. Nilikuwa nasungumuza na watoto. En 2000 2001. Okay. J'habitais le quartier Zout. Nous habitions le quartier Zout avec maman. Et je travaille toujours à Chitourou. La pause c'est de 12h à 13h30. Quand les 12h, je quitte l'usine. Nous, l'hydro c'est encore plus loin. Je descends comme ça. Je passais ici. Devant Source Féconde. Je vais au Zout, na enda kati Zout sur l'avenue Palmier. Kuyotena donc dia Palmier. Je dépasse la Perle, na pita la Perle, et je prends la gauche. Na beba njia ya kushoto. J'arrive à la maison. Na fika kunyumba. Il n'y avait pas de moto. Akukukua mapikipiki. Il n'y avait pas de bus vert. Akukukua ata magari. J'arrive à la maison. Na fika kunyumba. Je mange. Na kula. Je regarde. Na angalia. Vous venez de vous marier, hein? Il faut être voir madame, pas les enfants. Watoto. Donc, c'est-à-dire que c'était chronométré. Tu marches. J'arrive, je mange. Nafika na kula. Quand je termine, je remonte wakati encore. Na maliza, narudia tena. Je faisais ça chaque jour. Nilianza kufanya hiyo kila siku. Chaque jour à kila siku msaya 12h. Les années passées, basi miaka ipita, je disais toujours à mon épouse, nilianza kusema na mke wangu, celui qui va ajouter ne plus que 10 dollars à mon salaire. Fika. Je ne demande pas beaucoup. 10 dollars. 10 dollars. 10 dollars. Je démissionne. Na acha kazi. De la Jekamine. Kutoka mwiyo kampuni. Na leo ni kwa Jekamine. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours à Jekamine. Dieu fait chaque chose en son temps. Mungu anafanya kila kitu kwa wakati yake. Chacun est dans son couloir. Kila mmoja eko munjia yake. Chacun est dans son couloir. Kila mtu est comme njia yake. Dieu nous aime. Nikusema Mungu anatupenda. Parfois le cœur bat trop fort. Mara ingine moyo inapiga zaidi. Je veux faire comme lui. Napenda kufanya kama yeye. Quand tu pars, wakati unaenda, tu ne sais plus faire marche arrière, à moins que ce soit la grâce. Ujue kurudia nyuma. Je lui dis, mon épouse est là, en 2005, chez Maf va démarrer. On me dit, quitte la Jekamine ici. Va chez Maf. Wende ku chez Maf. Et c'est un vieux qui m'a proposé. Na ni mkubwa fulani alikuwa ananionyesha. Il dit, ton salaire anasema mshahara wako sera multiplié par 6. Itajidishwa mara 6. Et je suis parti. Na nikaenda. Sur Ousoke, chez Maf m'a logé. Nikabakia kule chez Maf. Le matin, on me donne le bus. Asubuhi ananipatia gari. Je vais à Ousoke. Naenda ku Ousoke. Quand on Ousoke. Soke. Quand on démarrait cette usine là, j'étais seul noir avec tous les Indiens. Et à l'époque, le Shiraz là, il me parlait un soir que je ne comprenais même pas très bien. C'est Bwana désiré, Bwana yambi, on a quoi monto à Elimu San. Je ne comprenais même pas Elimu, c'est quoi. C'est Kujuaka Elimu Nini. Je travaille. Mais Dieu dans son amour, j'ai pris la décision de rentrer. Le jour où j'avais un chef qui était presque un ami pour moi. Il m'appelle. Je lui dis, l'état à l'étranger. Je lui dis, non, non, donnez-moi juste 5 minutes, je quitte, j'arrive à la maison, je vous rappelle. Le temps que j'arrive à la maison, on m'appelle. On me dit qu'il s'est suicidé, il est mort. C'est le jour où j'ai pris la décision de rentrer. Sinon, je ne rentrerai pas. Le cœur a battu, j'ai dit, j'ai appris, je dis non. Ici, Dieu m'a mis à l'épreuve. Je rentre. Et il me dit, mais tu vas rentrer pourquoi? Je t'achète une maison. Vous voyez comment les séducteurs le font toujours. Il te présente seulement, tu vois la richesse. Je t'achète une maison à Lubumbashi. Je te donne une voiture. Reste seulement. Je dis, non, non. Dans mon cœur, je sens que je dois rentrer. Dieu, mais Dieu, c'est quoi? Non, je rentre. Bien aimé. La quête de la richesse conduit à la perdition. Conduit souvent à la perdition. Proverbe chapitre 28, verset 22. On va atterrir rapidement. Écoutez-moi ce verset. Proverbe 28, 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Anakuwa na iyo waraka kwa kujitajirisha. Et il ne sait pas que la disette na asijue kama iyo ukosefu viendra sur lui. Itakuwa juu yake. Itakuwa juu yake. Il a hâte de s'enrichir. Anakuwa na iyo waraka kwa kujitajirisha. Il voit quelqu'un avec un beau pagne. Anaona mutu na kikwembe mzuri. Il y a des gens qui prennent des dettes pour acheter les pagnes. Kuna watu wanachukua madeni kwa kuuza tu vikwembe. J'ai toujours dit que si tu prends la dette pour acheter les habits, viens samedi pour la délivrance. Je vous dis, il prend la dette, il achète les habits. Il prend la dette, il achète les ketchs. Il a hâte de s'enrichir. Il n'attend pas. À peine il termine. Je veux une voiture. Je veux une Mercedes. Je veux un étage. Frères et sœurs. La ruine va tomber sur toi. Dieu fait chaque chose en son temps. Pourquoi il fait en son temps? Parce que chaque chose dans la vie a ses exigences. Chaque niveau de la richesse a ses exigences. Chaque niveau a ses exigences. Même pour avoir des jumeaux, les jumeaux ont leurs exigences. Si toi tu ne les as pas, l'autre les a, laisse ces choses. Bénis Dieu pour le seul enfant que tu as. Chaque niveau a ses exigences. Les filles ont leurs exigences quand tu les as. Les garçons ont leurs exigences aussi quand tu les as. Quand tu as des enfants filles, leurs exigences. Quand tu as les enfants garçons, leurs exigences. Moi je dis toujours à maman, je dis on doit bénir Dieu. Nous ne sommes que des garçons. Mais nos cousines disaient ça, les garçons vous mangent. Bon, c'est aussi une exigence, hein, d'avoir des garçons. Mais il y a aussi des exigences pour les filles. Donc, Dieu est sage. Chaque chose en son temps. Le cœur envieux ont hâte de s'enrichir. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Chaque chemin, là où Dieu te place, c'est pour voir les choses que Dieu a prévues pour ta destinée. Il y a des choses que Dieu prévoit pour ta destinée. Tu ne les verras pas si tu vas sur un autre couloir. Il y a des amitiés que tu dois fabriquer pour ta destinée. Je vais lire un dernier verset puis on va prier. Job chapitre 1 verset 21 je pense. Job chapitre 1 verset 21. J'aime l'attitude de Job. Job dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset suivant. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Généralement, c'est seulement quand, lors de la mort, on dit Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a répondu. Ici, il s'agit de la richesse. Job a réalisé que la richesse que j'ai, c'est Dieu. Pour lui, Dieu devait être dans l'équation. Il n'était pas pressé. Dieu devait faire chaque chose en son temps. Il n'était pas pressé. Il n'a pas regardé sa propre personne. Il n'avait pas le culte de la personne. C'était Dieu. Frères et sœurs, il avait la connaissance de Dieu. Il avait la confiance, la foi que Dieu qui a donné, si ça se perd, c'est que Dieu donnera encore. Amen. C'est comme ça qu'un monsieur comme Abraham, Dieu peut lui demander, non, donne-moi ton fils. Mais quand ça c'est dans Genèse, quand vous allez dans Romains, parce que Paul explique bien les révélations. Dans Romains au chapitre 4, la Bible dit par le Saint-Esprit que Abraham savait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est comme ça qu'il n'a pas refusé. Pour Abraham, même si Isaac mourait, parce que c'est Dieu qui m'a dit, Dieu va les ressusciter. Et la Bible dit dans Romains, et Isaac a été ressuscité par une forme de résurrection. Donc Isaac était déjà mort, mais Isaac mais Dieu fariki. L'a ressuscité. Mungu Dieu est resté dans l'équation. Il n'était pas pressé. Il n'a pas fait cas de sa personne. Il n'était pas à la quête de la richesse. Sauf à tout perdu. Dans le Job chapitre 2 verset 10. Ayubu sura pil verse 10. Ça, on parle de l'entretien de Job avec sa femme. La femme lui dit, mais maudit Dieu est humain. Pourquoi? Parce que le corps commençait à souffrir. Job il a dit, non, pas question. Je ne tiens pas compte de mon corps, de ma personne. Je reste attaché au Seigneur. Je garde l'alliance. Frères et sœurs, tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie. Garde l'alliance. Il y a des esprits séducteurs dans le temps de la fin. Tout le monde court pour être riche. Tout le monde court. Tout le monde court pour se faire un nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, le nom que tu cherches aujourd'hui, demain, Dieu te le donnera. Reste attaché au Seigneur. La richesse que tu cherches aujourd'hui, reste attaché au Seigneur. Demain, tu bâtiras de maisons, tu construiras de villes, tu auras des véhicules, Dieu te les donnera. Mais Moïse dit ceci, faites attention, ne dites pas que c'est ma force et ma puissance qui m'ont donné ces choses. Non, bien-aimé, c'est Dieu qui a donné ces choses. Frères et sœurs, hier tu n'avais pas de voiture, aujourd'hui tu as une voiture, et d'ailleurs demain tu auras peut-être une voiture d'une meilleure qualité que celle que tu avais. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je me rappelle, nous étions fiancés. Si je dois aller voir la fiancée, le véhicule que j'ai demandé qui n'était même pas pour moi, pour mon oncle, c'était une VWE. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas prendre une VWE pour impressionner une fille? Enfin, on a parlé de flatterie, hein? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas prendre une VWE? Une continuelle, une petite là. Non. Donc Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Dieu, il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Daniel l'a dit au roi. Dans Daniel chapitre 2 verset 21. Il dit, roi, Dieu l'Éternel, il change les temps, il change les circonstances. Frères et sœurs, restons attachés au Seigneur. Si tu connais Dieu, tu vas rester dans ton couloir. Tu vas dire, non, non, je reste dans mon couloir, quelles que soient les situations. Dans mon couloir, je verrai ce que Dieu a préparé pour moi. Oh, frères et sœurs, dans mon couloir, j'ai rencontré le frère Justin, qui est une bénédiction pour moi. J'ai rencontré la sœur Sylvie, qui est une bénédiction pour moi. J'ai rencontré mon épouse, qui est une grande bénédiction pour moi. Je suis resté dans mon couloir. Reste dans le couloir de ta vie. Dieu te visitera dans ton couloir. N'entre pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. C'est des principes élémentaires, des principes basiques. Vous savez, pour le moment dans les églises, tu veux avoir des vues, des likes. Dis-moi like. Like. Like, papa. Like. Ma like. Like. Konekana. Des vues. On a ouvert à Konekana. Tout le monde court. Mutu wote na kimbia kwa. Reste dans ton couloir. Bakia mungi. Il arrivera à un moment donné. Takuwa wakati fulani. Les gens vont commencer à liker ça même que demain. Watu wata anta kukimbilia bila kuta. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Il est Dieu. Iko Mungu. Tu veux te faire un nom, sois calme. Dieu fera quelque chose malgré toi. Les gens vont demander, oh, j'aime David. Personne ne le connaissait. Mais quand il a commencé à courir sur le terrain de la guerre, Saül a appelé Abner. Il dit, Abner, de qui est-il fils? Abner dit, Abner kasema, aussi longtemps que l'Éternel Dieu, ton Dieu est vivant, je ne connais pas son père. Sijue baba yake. Mais après, lakini kisha, on a dit non, c'est le fils d'Isaïe. Ni mwana wa Isaï. Ce jour-là, ile siku, le roi a connu le nom de son père. Alijua il arrivera un jour, siku, les rois de ce monde connaîtront le nom de tes parents, connaîtront le nom de tes enfants, connaîtront ton nom. Parce que Dieu est fidèle. Reste dans ton couloir. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons voulu enseigner. Lève ta main. Dis Seigneur Dieu, protège-moi contre l'esprit de séduction. La séduction de la richesse. Seigneur, donne-moi de comprendre que tu fais chaque chose en son temps. Oh, Job a compris. Il a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Prie que Dieu te fasse grâce. Bien-aimé, c'est un esprit qui détruit le monde, qui déloge les gens, qui les enlève de leur alliance. Et les gens finissent par se perdre à cause de la quête de la richesse. Je prie, mon Dieu, ce soir, que Dieu te protège contre cet esprit de séduction. Que Dieu protège ta vie. Qui protège la vie de tes enfants. L'esprit du culte de la personne. Je prie le Seigneur que dans ta vie, Dieu soit dans l'équation de ta vie. Qu'il soit dans l'équation de ta vie. Qu'il soit dans l'équation de ta vie. Seigneur, fais-nous grâce. Reste dans l'équation de ta vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cette église, nous voulons rester attachés à toi. Nous refusons la séduction. Au nom de Jésus. Amen, amen. Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Nous donnons les offrandes. Nous donnons les offrandes, la chorale. Donnons les offrandes pendant que. Merci Seigneur ce soir. Merci Seigneur ce soir. Nous nous tournons vers toi ce soir. Tu es ma prière. Oh, agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Oh merci. Accent de. Tu nous soutiens dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous rappelons. Vendredi, nous avons prié. Soyons là. Aimons l'église. C'est vraiment un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Demain, les mamans se réunissent à 15h. Et les mamans continuent à préparer leur travail au mois de mars. Nous continuons à prier pour elles. Je rappelle à toute l'église pour les contributions des familles. Nous sommes déjà à la moitié du mois de février. J'espère que nous mettons à cœur de travailler avec Dieu. Chaque famille devait donner à la fin du mois quelque chose. Et je pense que dimanche nous prierons pour les familles. Père, merci pour ce moment. Tu nous as parlé aujourd'hui. Que cette parole reste dans nos cœurs pour nous aider à marcher dans l'alliance. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.